En même temps. C'est parti. On va revenir à zéro. Non, ça enregistre, c'est parti. Bonjour caca pourri, je vous prête mon robot caca et mes fesses. On ne crie pas parce que ça va saturer, ça va pas être beau. Raconte une jolie histoire plutôt. D'accord, mon petit caca pourri, mes fesses, ils sont très amoureux de toi, le disque, la cassette pardon, et le bouton. Il fait caca dans sa culotte et on essuie les fesses et on sent dans les fesses et puis après la flèche, il fait tout caca dans ma culotte. Et les oreilles de lapin, ils font caca aussi. Bon, les pompiers, les prises, les mamans, Natura. Les copains, les papas, les livres, les doudous, les tasses, tous les objets. Même les camions de pompiers. Et même les garages et même les casques en jouets. Même tout ce qu'il y a, c'est du caca. Et voilà, maman. Maman, j'ai fini. Stop. Là? Ouais.